On critique le mec dans le métro, tu sais, qui va assister à un viol sans réagir. Méritez ! Quoi ? J'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il y a ? Je viens d'arriver, madame, commencez pas à m'agresser, là, quoi ! Elle se fait agresser qui ? Se fait qui ? Vous les connaissez ? Ben alors, madame, pourquoi ? Est-ce qu'ils se connaissent ? Vous savez déjà ? Mais non, on ne sait pas, madame, attention ! Qui est l'homme ? Qui est la femme ? L'époque est complexe ! Non, non, madame, non, ce n'est pas la lâcheté. Je vous permets pas, madame, d'accord ? C'est le respect de l'intimité de la personne. Mais ça, ça semble... Écoutez, madame, je suis franc-maçon, d'accord ? Je crois qu'en termes d'humanisme, je n'ai pas de leçon à recevoir, certainement d'une militante du Front National. Donc, maintenant, si votre conscience vous accule à l'action, allez-y. Jouez les kamikazes, mais ça sera son nom. Voilà. Suce-moi, alors ! Oui, j'ai entendu, et alors, madame ? C'est peut-être un rappeur, c'est peut-être... Écoutez, madame, je suis pour une liberté d'expression totale, madame. Ça n'est pas mon style, mais je... Écoutez, madame, comme disait le philosophe, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à vos côtés pour que vous puissiez continuer à le dire. C'est ça, la liberté d'expression. Ça n'est pas forcément être d'accord avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui, mais je... Scaour, oui, mais c'est pas net. Excusez-moi, c'est pas français, c'est pas. Écoutez, madame, taisez-vous. Oui, ben, je lui ai souri. Ben, je teste son humanité, madame. Quoi, non-assistance à personne en danger. Ah, vous voulez faire du droit maintenant ? Madame, c'est l'état d'urgence, s'il vous plaît, on est tous en danger, d'accord ? Hein ? Elle aurait pu être à Barcelone, cette femme. Croyez-moi, elle a de la chance. Non, non, ça va, je vous dis que c'est terminé. Si, si, il remet son pantalon, il va pas... Vous voyez que c'était pas l'Holocauste, cette histoire. Mais que je vous ai une bonne douche et tout ça sera oublié. C'est une illusion optique ou il se rapproche ? Merde, je crois qu'il grossit là, non ? Oh putain, il vient par ici. Hein ? Ah, c'est bon, je crois que c'est vous qui regardez là. Je crois qu'il est tombé amoureux. Bon, ben, je vais vous laisser faire connaissance. Lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ? Putain, un peu de dire. Alors ? Saleté, va ! Elle doit être ça, je la connais pas ! Ah, j'ai rien vu de ça. Ça va ? Oh, je regardais le tunnel parce que j'aime bien le. Ah, mais. C'est le coup de foudre. Bon, ben, je vais vous laisser... vous avez des notions médicales. Ah, d'ailleurs, je suis neutre. Non, je suis suisse.